minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Pierre avec vous comme chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 pour votre émission Découverte musicale. Nous allons nous plonger dans le meilleur de la musique indépendante, de la musique alternative. Nous sommes aujourd'hui le samedi 5 février et c'est l'épisode numéro 439 de Planète Indie. Et oui, ça commence à chiffrer, ça monte le nombre d'épisodes. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous écouter, on en est ravis. Et puis comme chaque mois, eh bien, nous allons donc vous faire découvrir le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique que vous n'entendez nulle part ailleurs. Vous l'entendez peut-être dans ma voix, mais c'est la pleine forme. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez entamé l'année eh bien du bon pied. On espère que le fameux virus... Moi, je commence à en avoir vraiment ras-le-bol de parler de ce virus. Enfin, j'espère que ça, il n'y en a plus pour très longtemps parce que là, ça commence vraiment à nous casser les... Hein, vous savez très bien de quoi je veux parler. Donc, on va laisser la place à la musique aujourd'hui et puis nous irons aussi voir chez nos partenaires ce qu'il y a au niveau des concerts. Nous irons faire un petit tour dans le monde de la bande dessinée puisque comme chaque mois, eh bien, je vous propose... la bande dessinée du mois. Et puis voilà, hein, je vous parlerai un peu de tout ce qui se passe dans la région, dans le monde. Et on parlera notamment de Esch 2022 puisque ça va bientôt commencer. Esch sera la capitale culturelle européenne en cette année, donc ce sera aussi un petit peu au programme de cette émission. Pour l'heure, et bien place à la musique pour commencer. Pour débuter, si vous nous avez écouté le mois dernier au mois de janvier, c'était le 1er janvier, ouais, c'était assez un peu particulier. On avait écouté notamment le dernier morceau d'Echo Bloom qui s'intitulait Wake. Enfin, on avait commencé à l'écouter, on avait dû le raccourcir un tout petit peu et j'avais promis qu'on le réécouterait. Eh bien, je tiens mes promesses, on va réécouter ce morceau de Echo Bloom, un morceau qui s'intitule Wake. Voilà, bon début de soirée en notre compagnie. Et je vous rappelle que nous sommes ensemble jusque 18h30 comme chaque premier samedi du mois. Strangler's left, boarded up homes. Thank you. On en viendrait presque à croire que le prénom Caroline est un prénom qui inspire beaucoup les artistes. À l'instant, c'était Richie Meyer avec Come Back Caroline, reviens Caroline. On avait eu Neil Diamond qui avait chanté Sweet Caroline. Il y a eu aussi MC Solar qui avait chanté un morceau intitulé simplement Caroline. Et puis les Beach Boys aussi avaient chanté Caroline. Et ici, donc, je vous rappelle, c'était Richie Meyer. D'ici quelques minutes, eh bien, nous partirons à la découverte de notre album Powerplay. Rien à voir avec une Caroline, vous verrez. Avant cela, eh bien, on va écouter Alan Thomas, So Far So Good. Et puis notre cher ami Arda, originaire de Nicosie à Chypre. Arda avec son groupe The Stolen Moon et un morceau intitulé Signals, extrait de son second et nouvel album qui est sorti déjà l'année dernière. Pour l'heure, c'est Alan Thomas donc avec So Far So Good. En espérant que pour vous tout va pour le mieux aussi. So far, so good.

suave, à la voix suave, Arda, accompagné de son Stolen Moon. On l'écoutait avec ce morceau Signals, extrait de son second album Outsider in Perpetual Motion. Ah oui, on était les premiers, les tout premiers dans le monde à diffuser cette artiste, et on voit qu'elle trace son chemin et que ça avance pas mal pour elle avec ce second album pour lequel elle a reçu pas mal de commentaires positifs, et apparemment elle est diffusée assez bien maintenant aux quatre coins de la planète, donc ça bouge pas mal pour elle, et tant mieux, elle le mérite parce qu'elle a beaucoup bossé pour que ce soit une belle réussite. Bon, 17h24, il est grand temps pour nous maintenant de passer à notre album Powerplay pour cette émission Planète Indie. Je vous rappelle, c'est l'épisode numéro 439 et nous sommes ensemble jusque 18h30 comme chaque premier samedi du mois. Et aujourd'hui, eh bien, nous recevons, entre guillemets bien entendu, virtuellement mais aussi musicalement, une artiste mouvante, voire même émouvante. Elle a la géographie dans le sang. Sa mère est d'origine polonaise, elle a grandi en Suède, et avec un patronyme pareil, il doit y avoir des choses à trouver du côté des îles britanniques. Elle s'appelle Nikki O'Neill. Elle vit actuellement aux États-Unis, à Chicago plus précisément, où elle vient d'emménager en cette fin d'année 2020. Ça va faire un an, hein. Enfin, ça fait plus d'un an maintenant même. Comme beaucoup d'artistes, pardon, eh bien, elle a tout d'abord eu ses premiers contacts musicaux grâce à ses parents et notamment surtout à sa maman, dans le cas qui nous occupe. Cette dernière possédait, eh bien, une grande et éclectique collection de disques vinyles qui couvrait toute la gamme, allant de la musique soul à la country, en passant par le jazz, la musique classique ou encore la disco, et les chansons de cabaret remontant, eh bien, jusque dans les années 30, de l'écriture et de la composition. Une fois adolescente, et c'est essentiellement Carlos Santana et Prince qui l'ont marqué, en ce sens qu'à eux deux, eh bien, ils lui ont donné l'envie et le courage de se mettre à la guitare, tant la guitare solo que rythmique. Elle a adoré les grands rock. Pour ce qui est des chanteurs ou chanteuses, eh bien, elle cite notamment Aretha Franklin et Dinah Washington. Bah oui, c'est pas les plus nuls, hein, qui ont ouvert son cœur avec la profondeur de leur expression et leur incroyable sens de la musique. Et puis tant qu'on y est, eh bien, on va citer ou compter pour elle. Il y a Sly Stone, Carole King, et puis encore et toujours Joni Mitchell. Ben, je dis encore et toujours parce qu'elle est beaucoup citée par les artistes qu'on entend comme, eh bien, une muse, une source d'inspiration. Il y a aussi Burt Bacharach, Hal David, Stevie Wonder, John Lennon, Paul McCartney ou encore Carlos Jobim. Ben voilà, je pense que au niveau des influences, en tout cas, on a fait le tour. On va pouvoir passer à un premier extrait. Il s'agit du morceau Take Back What I Said. C'est la dernière chanson, celle qui clôture l'album. C'est un morceau un peu dépouillé où on trouve, eh bien, seulement Nikki qui chante et qui joue de la guitare. Voilà, je vous rappelle que c'est notre album Powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. L'album, je ne pense pas que je l'avais dit, s'appelle World is Waiting. C'est un album assez court puisqu'il comprend que 7 titres, mais 7 très bons titres. Et donc on écoute le dernier, le 7e, Take Back What I Said, Nikki O'Neill, en tant que Powerplay pour cet épisode numéro 439 de Planète Indie. Powerplay. Before I even knew it, it was already done. Facing the reality from which I could run. Now I sit and wonder why there isn't any way. Take back what I said and get you back again. A careless word in anger, thoughtless as I was, I would not apologize. apologize. No reason, just because. When you shut down on me, then I want it desperately to take back what I said and get you back again. I know I was tempting fate. Please hide your mouth and keep your distance. Pray to the ancestors that we miss them. My only request is you keep your distance. And a blues time talk. And the quarantine pandemic blues. It's not a binary flavor. They play it by a different rule. It's not a binary flavor. They play it by a different rule. And it's a long. What's up? This is Farad, and you're listening to a track from my new album, The Time Is Now. Hey, this is Larry from Promise Lab, and you're listening to Planet Indie. Hi, I'm Gianni Brevice, and you're listening to Planet Indie. Voilà, c'était The Electric Flea Show, une nouvelle production. On les découvrait avec un morceau intitulé Connected. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous connecter non plus aussi à Planet Indie. Nous sommes disponibles sur Internet, www.ilovemusic.gq, où vous tapez Planet Indie dans Google. Nous sommes aussi sur Facebook, il y a un petit groupe sympa, 200 personnes à peu près. Beaucoup d'artistes que vous entendez dans cette émission, donc vous pouvez directement entrer en contact avec eux. N'hésitez pas à nous rejoindre, ça nous fera très plaisir. Voilà, avant cela, on écoutait Thrift Bakery, Quarantine Pandemic Blues. Bah oui, je pense que ça concerne beaucoup de monde, hein, le blues lié à la quarantaine. C'était le thème de cette chanson. Et puis avant de poursuivre musicalement, eh bien on va passer en vitesse en revue l'agenda de nos partenaires de la Rocale. Alors ce mardi 8 février, vous pouvez écouter du blues jazz avec Jaga Jazzist. Alors ensuite, le concert du mercredi de Bullet for My Valentine, il est postposé. Jeudi, vendredi 10 et 11, ce sera le Décennie Tour de Gims. Le 11 aussi, il y aura Tiff Barrow dans la petite salle. Le 12, ça s'enchaîne, hein, Maneskin. Bah oui, vous les avez découverts, enfin on les a découverts pour la plupart d'entre nous avec leur victoire au concours Eurovision. Mardi 15, au club, ce sera le Hard Rock de Starfest. Ensuite, le concert de Duncan Lawrence du 18 février est annulé. C'est remplacé, pas plus ou moins remplacé, mais le 18 février, il y a un nouveau live music avec The Grun Club Show. C'est organisé par le Rock Lab. Le 23 février, au Rocal Café, c'est aussi la rencontre mensuelle des membres du Rock Lab. Et le thème de cette rencontre-ci, de cette rencontre du mois de février, eh bien, ce sera la rencontre avec l'association Culture LX, donc la promotion de la culture au niveau du Grand-Duché de Luxembourg. Le 28 février, le lundi, c'est de l'électro avec Meute. Et puis on arrive au 1er mars avec Gojira. Ouais, ça va bouger pas mal. Et le 1er, il y aura aussi un deuxième concert dans la petite salle avec Bicep. Et puis voilà, ça nous amène tout doucement à notre prochaine émission que je peux déjà vous annoncer puisqu'elle se tiendra le 5 mars en direct des studios de RGL pour votre plus grand plaisir. Nous irons tout à l'heure voir la programmation de nos autres partenaires que sont la Culture Fabrique et l'Abbaye de Neumünster. Avant cela, eh bien, retour à la musique avec un extrait d'un album souvenir sorti par l'artiste S, entouré de trois parenthèses. Un album qui est sorti pour les 10 ans de sa carrière musicale. On va écouter Mesmerized et puis après cela, on écoutera un autre artiste originaire de la République tchèque, un peu actif dans le monde de l'électro. Et il nous interprétera un morceau intitulé Walk. En début d'émission, on avait eu Wake avec Echo Bloom et là, on aura Walk avec Mava. Pour l'heure donc, S avec Mesmerized. prevalent mindset remains. When the mood switches with periodicity, it stands there. Constant threat on the edge of abyss, a bow to unknown. Repetitive tricks, health at risk. Death is felt to arrive soon. Which is the relative term? Minimal shift. Mixes everything. I woke up with your name on my lips. You were smothering me for the latest lips. I rarely open the windows to with the wind scream. Am I not dreaming in shapes? For me they only start from skips. Some trees stand tall, some fall without a call. Over old meadows, we sell our shadows. It's only a fool you didn't pick the right moment for us to click. Now we blend with rent, meant to be landed brands. Tell to spread salt over old meadows. Some trees stand tall, some fall without a call. Over old meadows, we sell our shadows. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Prototype of purity, magnificent glamour. Dally with your alley, beaten with sledgehammer. Look directly to the sun, look on the ideal line. Only late afternoon on the beach, still mostly nude, making most of it. Sometimes I feel you were merely laughing at me from the time I had fallen in love with you. What a stupid joke love provokes. If your sight gets overcast and black too, there are still woke friends to turn to. I woke up with your name on my lips. You were smothering me for the latest lips. I rarely open the windows to wither and scream. Am I not dreaming in shapes? For me they only stem from schemes. Voilà, je vous rappelle que vous écoutez Planète Indie, nous sommes ensemble eh bien, chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30. Eh bien, pour cette émission du 5 février, c'est l'épisode numéro 439. Je vous rappelle aussi eh bien, que l'enregistrement de cette émission, le podcast, sera disponible pardon, sur notre site internet très très rapidement. Notre site internet, c'est www.ilovemusic.gq, ou alors vous tapez Planet Indie dans Google et vous allez directement chez nous, parce que je ne suis pas toujours sûr que le nom de domaine fonctionne bien. Donc, si vous passez par Google, il n'y a pas de souci. Vous arriverez à nous rejoindre. Nous sommes aussi disponibles eh bien, sur le site, sur Facebook, pardon, il y a un groupe sympa. Et puis, que vous dire d'autre, nous sommes donc disponibles en direct chaque premier samedi du mois, donc sur les ondes de RGL. Nous sommes aussi distribués via l'offre câblée DPT, voire même de Proximus et de vous en Belgique, si je ne m'abuse. Nous sommes aussi disponibles en DAB+, bah oui, et puis donc via Internet, soit via le site de RGL ou via le site de Planet Indie. Directement, pour l'heure, 17h48, retournons si vous le voulez bien sur notre album Powerplay. Nous allons reprendre le cours des aventures de Nicky O'Neill. On l'a compris, il n'est pas surprenant eh bien, qu'elle ait été incitée dès son plus jeune âge à se lancer dans l'aventure d'une carrière musicale. Carrière qui s'est avérée pleine de bons résultats au cours des dernières années. Au tout début, eh bien, elle s'est contentée d'assurer la guitare rythmique pour plusieurs groupes. Et puis, tout doucement, elle s'est mise à chanter tout d'abord dans les chœurs. Et ensuite, de progrès en progrès, eh bien, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait prendre un peu plus de place sur scène et assurer le rôle de chanteuse, voire même de guitariste principale. Donc cette évolution donc, s'est faite aussi au niveau de ses qualités vocales. Il lui a fallu un peu d'expérience eh bien, pour se rendre compte qu'elle pouvait chanter, ou plutôt de se rendre compte de ce qu'elle était capable de chanter par rapport à ce qu'elle était capable de faire à la guitare. Si elle est en mesure eh bien, d'écrire et de jouer des morceaux audacieux et courageux à la guitare, elle s'est quelque part fait une raison. Elle ne chantera jamais comme des gens comme Bette Davis ou Chaka Khan. Et c'est elle-même dans sa biographie qui cite ces deux artistes. Ce n'est pas moi qui les ai prises comme point de comparaison. Mais par contre, ce qui est encore plus important, eh bien, c'est qu'actuellement, elle sent et ressent au plus profond d'elle-même eh bien, que ses talents de compositrice, de guitariste et de chanteuse, eh bien, tous ces talents sont actuellement parfaitement alignés, ils sont en phase, ils sont donc alignés avec ce qu'elle espérait et ce qu'elle attendait d'elle-même. Le résultat eh bien, de cette convergence, c'est ce nouvel album « World is Waiting ». Il est fait d'un impressionnant mélange de blues, de soul, mais aussi de culot et de courage. Pour cette aventure, elle s'est entourée d'une petite troupe qui se compose de Rich Lakowski aux percussions, de Rob Fresco à la basse et de Joshua Pessar à la guitare. Et puis il y a aussi, bien entendu, d'autres invités occasionnels et elle est aussi rejointe par ses choristes habituels. La plupart des chansons ont été écrites par Nicky avec son complice de toujours, Paul Menser, Paul qu'elle a rencontré lors d'un atelier d'écriture à Los Angeles en 2016. Ils se sont rapidement mis au travail et c'est ainsi qu'est sorti en 2017 déjà le premier album « Love Will Lead You Home ». Pour l'heure, nous, eh bien, ce qui nous intéresse, c'est cet album « World is Waiting ». On en écoute un second extrait. « That's how you lose her ». C'est ainsi eh bien, que tu es en train ou que tu la perds. Nicky O'Neill, c'est notre power play. Aujourd'hui, samedi 5 février, dans l'épisode 439 de Planète Indie. Power play. Power play. Voilà, eh bien, le CD s'est bloqué. On va le relancer tout de suite, s'il veut bien. C'est vrai qu'il faisait un petit bruit bizarre. Allez, espérons qu'il va partir ce coup-ci, Nicky O'Neill, avec ce morceau « That's how you lose her ». Est-ce qu'il va nous faire ce plaisir ou pas du tout? On dirait que non. Alors, ce qu'on va faire, on va inverser tout ça. Et vous le faites, vous voyez, ça, c'est les aléas des directs. Hein. Espérons ce coup-ci qu'elle va bien vouloir. Et on relève le bon curseur. Et là, je pense que ça va partir. Voilà. That's how you lose her. That's how you lose her. Has no end. Don't come to me, your head's spinning, 'cause I ain't got near to land. That's how you lose her. That's how you lose her. Lose her. That's how you lose her. Treat her with some dignity. Find out how good love can be. You ain't 17 no more. Change your act or find that door. Ooh. J'espère que vous appréciez la programmation musicale de cette émission, en tout cas, et que vous poussez peut-être le son au maximum ou pas loin du maximum. En tout cas, au casque, ça donne pas mal. La chanteuse qu'on vient d'entendre s'appelle Anastasia Line. Et eh bien, elle nous emmène dans ses rêves. Le morceau s'appelle In a Dream. Je vous rappelle qu'avant, c'était Nikki O'Neill avec That's How You Lose Her. C'est notre powerplay pour cet épisode 439 de Planète Indie. On l'écoutera encore une fois d'ici 18h30. Pour l'heure, je vous propose d'aller voir sur l'agenda de notre partenaire de la Culture Fabrique. Bah, ça va être assez rapide, puisqu'il n'y a pas grand-chose. Vendredi prochain à 20h, c'est de la musique électronique alternative rock avec Bird Pun. Et puis le 23 du 2 à 20h, ce sera de la musique qui nous ramène, qui nous fera redécouvrir le rock des années 70 avec Delving. Notez que le concert du mardi 15 février, le concert de Chuck Bois and the Engströmers, eh bien ce concert malheureusement est annulé. Plus d'infos sur le site de la Culture Fabrique, www.culturefabrique.lu. Il nous restera encore à aller voir la programmation de l'abbaye de Neumünster. Eh bien, on fera ça encore, évidemment, d'ici 18h30. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à voir aussi? Notre capsule BD, ça, ce sera pour dans exactement 3 bonnes minutes, hein, puisqu'on va encore écouter Brandy Vezina avec John Dillinger Type. Et puis notre capsule BD aujourd'hui, eh bien, elle nous fera découvrir un gros morceau, un gros album. Je vous en dis pas plus, c'est l'année de la Corse, on dirait, dans le monde de la BD. Voilà, pour l'heure, donc Brandy Vezina, John Dillinger Type dans Planète Indie. Elle est jolie comme un cœur, elle s'appelle Brandy Vezina, elle nous interprète John Dillinger, Time. C'est pas la première fois qu'on l'écoute, mais ça, cet extrait est bien de sa nouvelle production qui s'intitule Don't Settle. Eh bien, je vous parlais de la Corse et de notre capsule BD. Je vous propose de découvrir aujourd'hui pas en avant-première parce que l'album est sorti déjà depuis un certain temps, mais une intégrale de la série Double Masque. En 1781, Bonaparte n'est pas encore Napoléon. Il ne le deviendra que quelques temps plus tard. Premier consul, il marche vers son destin et son couronnement en tant qu'empereur des Français. Mais au cours de ces années, il devra faire face à bon nombre d'intrigues, déjouer complot sur complot, ourdi par des ennemis de plus en plus nombreux et bien décidé à ne pas laisser cet usurpateur prendre place sur le trône et rétablir la loi salique. Parmi les ennemis de l'abeille se trouve la fourmi, le prince des cloaques. Non seulement leur ressemblance physique est indéniable, mais une étrange berbère à la peau couleur de charbon semble les relier l'un à l'autre, veiller sur eux et connaître les moindres recoins de leur destinée. Depuis ce jour où elle les a rencontrés dans leur prime jeunesse et leur a remis à chacun un étrange masque en leur demandant de penser à un animal, à un insecte. Leur choix les mènera pour l'un à marcher en pleine lumière, tandis que l'autre sera voué à régner sur les ténèbres. Cette série de 6 volumes, regroupée ici en version intégrale, semble dédiée à Napoléon Bonaparte ainsi qu'à son contrepoint obscur, mais d'autres figures principales sont à chercher dans les rôles moins exposés. Fouché, Cambacérès, Joséphine, l'écureuil et bien évidemment François la Torpille, petit escroc sans envergure, débrouillard et ambitieux, à qui Bonaparte va faire une première fois appel et dont il ne semblera plus par la suite pouvoir se passer pour solutionner les différents problèmes auxquels il sera confronté, quitte à devoir supporter son impertinence et à le laisser voguer vers son propre destin. L'auteur introduit dans le récit une touche de mystère touchant au fantastique, mais le dosage n'est pas optimal. Pourquoi se contenter d'un apéritif et ne pas exploiter ce filon plus en profondeur, d'autant que ce côté restera au bout du compte énigmatique pour les lecteurs. Dans ces aventures où tout semble vraisemblable, mais où rien ou presque n'est vrai, l'auteur prend un malin plaisir à mêler des événements et personnages historiques à de la pure fiction, et tout ce mélange s'entrecroise et s'entrechoque. Le trait rigoureux, voire même quasiment raffiné de Martin Jamard pour les décors, se base sur un énorme travail documentaire. Si ces personnages semblent inégalement réussis, pensons notamment que Joséphine, qui est sublissime, par contre Napoléon, lui, semble par moments profondément simplet, eh bien il a usé d'une précision diabolique pour les immeubles, palais, églises, etc., etc., qui sont représentés avec une précision historique touchant à la perfection jusque pour des bâtiments aujourd'hui disparus, comme par exemple le château de Saint-Cloud. En conclusion, eh bien, on ressent par moments un manque de fluidité entre les différentes missions dont est chargée la torpille, sans doute imputable à l'effet intégral qui rassemble des épisodes précédemment isolés. La petite touche fantastique ajoutée au récit est là pour nous rappeler qu'on est bien en face d'un récit de fiction et pas une biographie, mais on aurait aimé la voir plus développée et livrer ses secrets. Qui est cette berbère? Comment s'articule son rôle dans les destinées des protagonistes? Quels sont les pouvoirs de ces mystérieux masques? Secrets donc qui laissent le lecteur avec un sentiment de frustration. Si on peut ressentir un peu de lourdeur au départ, eh bien la lecture devient de plus en plus agréable au fil des tomes. Et dans le dernier, on découvrira une foule de détails intéressants concernant le sacre de Napoléon. Voilà, c'est donc l'intégrale de Double Masque, un album qui fait plus de 200 pages, sorti chez Dargaud. Les auteurs sont Dufaux et donc Jamard. Voilà, je vais vous mettre la fiche de lecture ainsi que la conclusion sur à la fois notre site internet et notre page Facebook ainsi que la couverture de l'album. Et puis je vous disais peut-être que c'était l'année de la Corse, en tout cas chez Dargaud, puisque outre cette série consacrée à Napoléon, ils ont sorti un autre album qui s'intitule « Une histoire du nationalisme corse », donc en version BD aussi, un gros album qui fait plus de 200 pages. C'est un album d'Hélène Constanti et peut-être que je vais le mettre à l'honneur au cours d'une prochaine émission. Voilà pour l'heure. Et bien, retour à la musique avec une jeune artiste portugaise qu'on a découverte le mois dernier. Elle s'appelle Tabea. Elle nous interprète Amy. Et ensuite, ce sera The Silence Industry avec Mirrors. Oui, c'est ça. Allez, tout de suite, Amy avec. Interprété par Tabea. Skins. C'est un morceau extrait de l'album Where Red Flowers Bloom, du groupe de Silence Industry. On ne peut pas l'écouter en entier aujourd'hui parce qu'on est un peu pris par le temps et ce morceau fait plus de 8 minutes. Donc on va se le laisser en fond musical pour passer à la troisième, au troisième chapitre des aventures de Nicky O'Neill. Je pense que je vous ai dit l'essentiel de ce qu'il y avait à dire. Que vous dire de plus, eh bien, c'est qu'elle elle a aussi écrit un livre d'apprentissage de la guitare rock qui s'appelle Women's Road to Rock Guitar. C'est sorti chez Alfred Music. Elle a aussi un channel sur YouTube et True Fire called Twang Soul and Rock and Roll. Elle écrit aussi notamment pour des magazines comme Guitar Player Magazine, comme Guitar Girl Magazine ou encore comme pour le Chicago Tribute Media Group. Elle a notamment eu l'occasion d'interviewer Carlos Santana pour un article de cette page. Carlos Santana, donc, qu'on a cité tout à l'heure comme eh bien, l'une de ses influences musicales les plus prédominantes. Son site internet, c'est facile, c'est nickyoneill.com, Nicky avec des K. Je vous rappelle donc, c'est notre powerplay aujourd'hui dans cette émission numéro 439 de Planète Indie. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h30, donc on a encore 10 minutes à passer ensemble. Nous allons aussi faire tout à l'heure un petit tour sur la programmation de Neumünster et je vous parlais en vitesse de Edge 2022. Pour l'heure, je vous propose de laisser la place donc à Nicky O'Neill avec le troisième extrait de son album pour aujourd'hui. Ça s'appelle A Place at the Table. Cet extrait donc de son album World is Waiting, qui est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Lord, your word created the earth and everything in it. In your eyes, a million years is less than a minute. Yet your love is so wide that you hear. Forever. Voilà, elle s'appelle Nikki O'Neill et a été mise à l'honneur aujourd'hui dans cet épisode 439 de Planet Indie avec son album World Is Waiting. C'était notre powerplay pour aujourd'hui. Il nous reste deux morceaux à écouter. Ce sont deux morceaux instrumentaux, donc ça va être tranquille. Avant cela, je vous propose d'aller voir sur l'agenda de la Rocale. Eh bien, demain 6 février, les fameux concerts apéro jazz de Neumünster, j'ai dit Rocale mais c'est Neumünster, Sacha Ley et Laurent Peyfert au sein de leur projet duo, ce sera eux qui seront à l'affiche donc demain 6 février. Le 13, dimanche prochain, enfin dimanche la semaine d'après évidemment, toujours à 11h, Morning Birds avec le saxophoniste Tom Bourgeois et le contrebassiste Phil Caporali. Le 20 février, Grizzly, en deux mots, Grizzly. C'est un brass band original sauvage et sensuel qui parcourt la scène en dehors de tout formatage musical. Donc ça a l'air pas mal ça, Grizzly. Et puis le 27 février, Riaz Kabipour Trio. Voilà pour le mois de février. En mars, eh bien, je peux vous dire aussi, le 3 mars à 19h, il y aura Martin Kolsted, un artiste originaire de Weimar. Ça me fait penser, eh bien, que notre prochaine émission, ce sera non pas le 3 mars, mais ce sera donc évidemment le 5 mars, comme chaque mois, le premier samedi du mois, toujours entre 17h et 18h30 sur les ondes de RGL. Et puis, je vous avais parlé de Esch 2022, eh bien, le début des festivités pour la capitale européenne de la culture d'Esch-sur-Alzette, ce sera le 26 février avec une grande fête, enfin, pourvu qu'elle puisse se tenir, parce qu'apparemment, il y a encore débat à ce sujet suivant les protocoles sanitaires et tout. Enfin bon, 26 février, il y a encore moyen d'obtenir vos billets gratuits. Vous allez sur esch2022.lu. Il y aura une cérémonie à la fois du côté de Belleval et à Esch-sur-Alzette. Donc n'hésitez pas. Moi, si tout va bien, je serai dans l'équipe rouge, voilà, comme ça vous savez tout, à Belleval, voilà, comme ça vous êtes au courant, et puis peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser sur place. Pour l'heure, je vous propose d'écouter un avant-dernier morceau, il s'appelle Michael Jonathan de Baghdad Breakdown, c'est du banjo oriental. Voilà, il s'appelle Michael Jonathan, il nous interprétait de Baghdad Breakdown. On arrive tout doucement Au terme de la programmation musicale de cet épisode numéro 439, j'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la musique. On va se quitter avec un dernier morceau, North Cole Music avec Sad Rooster. Je vous retrouve donc dans un mois exactement, le 5 mars, pour l'épisode numéro 440. D'ici là, portez-vous bien, rejoignez-nous sur Facebook ou sur Internet, www.ilovemusic.gq ou Planet Indie dans Facebook. Bonne fin de week-end, à très bientôt.